Bonsoir. Au nom du Centre de l'Universalité, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence du 1er juin 1984, conférence de Daniel Kemp, intitulée « Se libérer de la liberté ». Bonsoir, Daniel. Allô. Se libérer de la liberté. C'est un peu contradictoire, ça, je pense. Ben, de toute façon, tu m'as-tu déjà vu pas me contredire? Hein? Puis, je pense que je ne suis pas le seul à me contredire. De toute façon, l'homme se contredit quotidiennement, tous les jours. La seule chose qu'il y a, c'est que dans nos contradictions, on se contredit tout le temps, sauf qu'on ne s'en rend pas compte. Ce qui fait que pour nous, ce n'est pas contradictif, ce n'est pas contradictoire, mais en réalité, ça l'est. Alors, se libérer de la liberté, ben, c'est sûr que ça a l'air contradictoire, mais le fait de rechercher la liberté, c'est éviter justement d'être libre. Ce qui fait que quand tu recherches la liberté, tu recherches n'importe quoi, de toute façon, tu peux pas arriver à le trouver. Pas avec la démarche psychologique, justement, que l'homme fait. Ce qui fait que déjà là, dans ta démarche, tu es déjà en contradiction avec le but ou avec l'origine qui t'a mis en démarche ou le but vers lequel tu diriges. Alors, ce qui fait que si toi, par exemple, tu veux arriver à comprendre. Alors, si tu es là et tu te dis « je veux comprendre, il faut que je comprenne, puis je veux comprendre », bien, tant que tu fais ça, tu peux pas comprendre. Alors, ce qui fait que déjà là, ta démarche vers la compréhension de quelque chose est en contradiction avec la compréhension même. Hein? Alors, ce qui fait que la liberté elle-même, c'est déjà extraordinairement contradictoire à la liberté. C'est quoi la liberté sur la Terre? Où est-ce qu'on peut trouver la liberté? On peut se trouver la liberté avec notre corps physique? Est-ce qu'on peut trouver la liberté avec nos conceptions, avec notre psychologie? Mais je pense que, premièrement, avant qu'on se pose ces questions-là, il faudrait peut-être définir la liberté correctement. C'est ça? C'est quoi, Qu'est-ce que tu entends, toi, par la liberté? Alors, moi, ce que j'entends par la liberté, moi, dire franchement, j'aime autant pas le dire, parce que c'est pas tout à fait... On va reculer un petit peu en arrière, puis on va essayer de voir de quelle façon l'individu, de quelle façon l'homme chemine pour arriver à vouloir être libre tout d'un coup. Hein? Qu'est-ce que vient faire la liberté dans le cheminement de l'homme? Pourquoi on veut être libre? C'est quand qu'on décide d'être libre, ou encore quand est-ce qu'on se rend compte qu'on n'est pas libre? C'est ça qui est important. Tant que tu ne sais pas que tu n'es pas libre ou que tu es libre, tu es peut-être bien plus libre que tu peux penser. Hein? Parce que tu n'es pas en démarche. T'as pas, tu sais, moins t'en sais, mieux c'est. Mais le maudit problème, c'est qu'il vient un moment donné où c'est que t'en sais. Puis comme t'en sais, ben t'en sais moins que tu pensais. Puis plus que t'en sais, moins t'en sais. Bon. Alors, c'est pas contradictoire, ça, c'est compliqué. Alors, ce qui arrive, c'est que, vois-tu, si tu regardes, par exemple, simplement ta démarche normale, où c'est que toi, tu te fais mal, tu as une souffrance, ou tu as une maladie, par exemple. Alors, ta maladie, tu la découvres, tu vis à un moment donné avec, disons que c'est une jaunisse, et puis à un moment donné, elle se guérit. Alors, si deux semaines après, tu as encore la jaunisse, ben, il va venir à un moment donné où c'est que toi, tu vas te poser la christite question, pourquoi? Puis, je sais pas si tu as déjà pensé à ça, ou si vous avez déjà pensé à ça, mais la question, pourquoi? Pensez-y à tout ce que ça veut dire, pourquoi? C'est extraordinaire que l'homme puisse arriver à se demander pourquoi. C'est extraordinaire, mais c'est aussi dangereux. Regarde juste quel est le travail psychologique qui t'amène à grimper pour arriver au pourquoi. Pourquoi? Ça veut dire que tu viens de prendre conscience qu'il y avait sans doute une raison à l'événement. Mais une raison à l'événement, ça veut dire aussi que tu prends conscience qu'il y a sans doute quelque chose de coordonné quelque part. Pourquoi ça se rapproche énormément de l'infini, le pourquoi? Il pleut, pourquoi? Ça veut dire que l'homme est capable de pas juste voir quelque chose arriver, mais il arrive à un moment donné où c'est que il passe par-dessus la prise de conscience de l'événement pour essayer de voir les causes de l'événement. Il n'y a aucun animal qui fait ça. Puis il y a beaucoup d'individus sur la Terre qui ne le font pas non plus. Oui, mais en se posant des questions, des pourquoi comme ça, l'homme se place dans une situation qui est très souvent embarrassante, souffrante, ainsi de suite, bon, dépendamment des cas. Là. Mais se poser beaucoup de pourquoi, je pense que ça amène l'homme à tourner en rond très souvent. Mais c'est ça. Mais avant de penser à la liberté, il faut que tu te poses des questions. L'homme veut être libre quand l'homme prend conscience qu'il y a quelque chose, puis quand l'homme prend conscience qu'il y a sans doute une cause à ça. C'est ça qui est important. Puis dans n'importe quoi, bien souvent, nous autres, on demande pourquoi. C'est, on est habitué de le dire, mais en le disant, on voit pas tout le schéma psychologique qui nous permet de poser cette question-là. Puis en prenant conscience du pourquoi, c'est un mot qui vaut de l'or, ça, pourquoi. Parce que c'est une réponse stupide. Mais pourquoi c'est un mot qui vaut de l'or? Tu vois? Alors, ce qui arrive, c'est que si tu arrives, toi, à te demander, justement, dans n'importe quelle démarche, dans n'importe quel phénomène, juste pourquoi tu veux démarcher? Pourquoi tu veux évoluer? Pourquoi? Ben, rien que ça, déjà, tu cherches une cause à ta démarche. Donc, tu exprimes en te demandant pourquoi l'évolution ou pourquoi je veux évoluer, tu exprimes par là que tu es manipulé vers l'évolution vu que tu cherches la cause du pourquoi que tu veux évoluer. Je sais pas si c'est clair. Mais de te demander pourquoi tu veux évoluer, c'est que tu recherches la cause qui te pousse à évoluer. Donc, tu exprimes le fait que tu es manipulé dans ton évolution. C'est pour ça que tu veux savoir pourquoi tu évolues. Pourquoi, toi, tu réfléchis trop? Pourquoi tu comprends des choses tout d'un coup? Pourquoi? Bien, en te posant cette question-là, bien, c'est parce que tu recherches la cause du fait que tu comprends. Tu recherches la cause du fait que tu chemines. Donc, la cause, elle est pas toi, vu que tu la recherches, la cause. Puis quand on dit, quand l'homme commence à comprendre, il est fait, il n'y a pas le choix, il faut qu'il comprenne plus, qu'il comprenne de plus en plus, puis comprenant de plus en plus, ben, il va comprendre de moins en moins. Puis il est fait. Il peut pas revenir en arrière. Tu peux pas arrêter de te conscientiser. Quand tu commences à faire des découvertes, tu peux pas arrêter. Tu veux arrêter, tu oublies ça, tu veux redevenir normal, disons, par rapport à la normalité. Et puis, tout d'un coup, ben, ça revient en toi. T'es encore en train de chercher, t'es encore en train de cheminer, t'es encore en train de démarcher, puis tu te poses encore des maudites questions comme « Pourquoi? » Vois-tu? Alors, ce qui arrive, c'est que, voyant la cause, ou encore, en te demandant pourquoi, bref, en exprimant le fait que tu recherches la cause, tu exprimes le fait que t'es manipulé, étant manipulé, ben, tu te rends compte que t'es pas libre. Alors, automatiquement, tu veux être libre. C'est compliqué, ce cheminement-là. C'est un cheminement qui est souvent inconscient dans l'individu. Mais à ce moment-là, est-ce qu'il s'agirait d'être libre dans la manipulation? Ça veut dire quoi, ça? D'être libre dans la manipulation? C'est à ma prochaine question. Vois-tu, c'est que la définition même de la liberté... Premièrement, est-ce qu'il y a une liberté dans la manipulation? Non. Bon. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il y en a une, puis il n'y en a pas. La liberté, c'est quoi? C'est ça le maudit problème. Se libérer de la liberté. Pourquoi se libérer de la liberté? Parce que ta maudite liberté que tu veux exprimer ne peut pas s'exprimer. Bref, à te nuire. Liberté, ici, est sous-entendu le contraire. Non. Quand tu dis se libérer de la liberté. Ouais. Sinon, dis que tu l'as pas, la liberté, si tu veux t'en libérer. Ben, c'est évident. Sauf que tu te libères de quoi? De la liberté. Donc, tu as la liberté. Et ayant la liberté, t'es pas libre. C'est pour ça qu'il faut que tu te libères de la liberté. Ça a l'air bien compliqué, mais vous allez voir, on a le temps, on commence. On va expliquer. Vois-tu? Puis c'est très, très, très, très important parce que ce qui va faire en sorte, probablement, c'est un immense frein à l'évolution, à la compréhension. Puis, surtout que c'est une perte d'énergie, mais tellement extraordinaire. Le fait de vouloir être libre, on perd tellement d'énergie là-dedans qu'on peut pas arriver à rien faire d'autre, entre autres. On perd d'énergie aussi dans le vouloir comprendre. Mais vouloir comprendre, c'est parce qu'on comprend pas. Puis bref, encore là, on exprime le fait qu'on est pas libre, parce qu'on comprend pas. Mais mettre de l'énergie dans cette chose-là, tu sais, mettre de l'énergie dans quelque chose que tu peux pas changer, c'est perdre de l'énergie. Puis perdre de l'énergie, c'est non seulement pas intelligent, mais c'est un frein. L'homme, il peut arriver drôlement rapidement à ce qu'il recherche, disons, à ce qu'il est manipulé à rechercher. Hein? Il peut y arriver assez vite. Il peut se libérer vite, rapidement, mais pas en recherchant la liberté pour pouvoir arriver là. C'est ça l'affaire. C'est que notre démarche, elle se fait sur plusieurs fronts à la fois. On veut être libre, on veut avoir la patience d'attendre, la patience de comprendre. On veut avoir la paix en nous pour arriver encore à avancer. On veut ne plus avoir peur. On veut plusieurs choses en même temps, puis tout ça, ça avance petit pas par petit pas, un petit peu en même temps, mais on a l'impression qu'on avance pas. Parce que on recherche toujours, à un moment donné, t'as plus la paix, mais tu commences à comprendre des choses, t'as plus la paix, ben là, tu sais pas si tu vas revenir à essayer de pousser la paix. Mais si tu reviens sur la paix et la compréhension, tu l'oublies, tu pousses, t'essaies d'être calme, t'essaies d'être en paix. Puis d'un coup, t'es plus patient, tu travailles sur la patience, tu te sens pas libre, tu travailles sur la liberté, tu te sens frustré, tu travailles sur l'anti-frustration, tu te sens, tu sais, tu y vas de même un peu partout comme ça, puis c'est ça, c'est de même qu'on avance. Notre schéma, il est comme ça, comme une espèce de gros, gros tuyau qui essaye de rouler dans une montagne, puis chaque petite roche qui est un petit peu partout est un frein pour le tuyau au complet. Hein? Si tu as un tronc d'arbre au complet qui est bien rond, qui descend une montagne, une légère pente, ben chaque petit morceau de roche, quelque part, bloque l'arbre au complet. L'arbre s'en va, puis il passe une roche, puis il déboule, puis il pogne une autre roche à l'autre bout, passe dessus. Au lieu que la roche bloque une partie de du tronc d'arbre, elle bloque le tronc d'arbre au complet continuellement. Ben c'est ça la démarche psychologique évolutionnaire de l'homme. C'est pas révolutionnaire comme démarche, mais c'est évolutionnaire en maudit. On avance comme ça, petit pas par petit pas. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas sur quel front on travaille. Puis en plus, à travers tout ce tronc d'arbre-là, on a une partie qu'on appelle la liberté. Est-ce qu'il y a possibilité de voir sur quel front on avance? Ben oui, juste le fait, là je l'ai défini un petit peu, on voit un peu pareil que notre cheminement il est fait sur plusieurs choses en même temps, puis on n'arrive pas à coordonner nos efforts et nos énergies sur un point central ou sur quelque chose qui pourrait au moins englober tout le tronc d'arbre, ce qui fait que là on pourrait avancer. T'sais, moi j'avance comment? Tout d'un coup je suis fatigué, fait que là il faut que je travaille pour être moins fatigué. Tout d'un coup, je suis impatient. Là, faut que je travaille pour être moins impatient. Tout d'un coup, je suis nerveux. Là, faut que je travaille pour être moins nerveux. T'sais, tout d'un coup, je commence à comprendre et je me pose des questions. Là, je travaille pour essayer de comprendre ça. Tout d'un coup, j'ai besoin d'argent. Ben là, je travaille pour faire de l'argent. Ce qui fait que qui, vraiment, consciemment, évolue à temps plein 24 heures sur 24? Consciemment, je dis bien. Qui? Combien? Combien de personnes? Pourquoi? Il n'y en a pas beaucoup. On évolue tous sur un paquet de petits fronts, ce qui fait que quand il y a un morceau qui avance, on s'occupe de l'autre, il a le temps de revenir en arrière. Et puis, globalement, après un certain laps d'années, on a changé. Mais le changement se fait pas comme ça. Il se fait pas rapidement. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas libre. On n'est pas libre pourquoi? Ben entre autres, parce qu'on recherche la liberté. Tu vois, il y a une future conférence, justement, où on va parler des 7 freins de l'évolution. Ben tous ces petits schémas-là que je te parle, étant individuels dans leur avance vers l'évolution ou vers la compréhension, ça va être un frein à l'évolution globale de chacun des individus parce que nos énergies sont divergentes, diversifiées, ils sont jamais concentrés, puis on perd nos énergies. Le fait de vouloir avancer 4 fronts en même temps ou 4 points en même temps fait que chacun avance à peu près pas, puis toutes nos énergies sont dilapidées là-dedans. Vois-tu, la liberté... C'est quelque chose d'extraordinaire, mais d'essentiel. L'homme doit être libre pour pouvoir lentement finir par concentrer, justement, tout le schéma d'évolution, tout le front, le mettre en un point pour pouvoir avancer. L'homme doit être libre pour faire ça. Mais libre, c'est quoi être libre? Si moi, je veux être libre physiquement, puis je décide que, ben, il faut que je mange, mais je mange plus, moi, je me libère de la faim. Tu vas peut-être te libérer de la faim, mais pas de la maladie, pas de la fatigue, puis pas de la mort. Parce que si tu manges pas, tu n'iras pas loin. Peut-être ton avance est encore bloquée. L'homme, physiquement, n'est pas libre. Et si l'homme veut absolument être libre physiquement, si l'homme s'attache à être complètement libre physiquement, bien l'homme va perdre son temps à être libre physiquement, puis l'homme ne sera jamais libre parce qu'il va être toujours pris par la liberté physique. Un exemple que j'ai déjà donné, qui peut très bien revenir justement sur le sujet de la liberté, c'est l'individu qui, depuis l'âge de 5 ans, qui était tout jeune, s'était habitué à marcher sur l'eau. Et puis, vers l'âge de 80 années, donc 75 ans plus tard, notre individu arrive à marcher sur l'eau. Il peut traverser les rivières en marchant sur l'eau. Et puis, tout d'un coup, il rencontre un bonhomme qui s'appelait Bouddha. Et puis, il lui dit, « Seigneur, Seigneur, c'est au bout, hein, pas dû dire ça de même, mais en tout cas, il dit, c'est extraordinaire, je peux marcher sur l'eau, je peux traverser des rivières puis revenir. » Puis je me mouille pas, puis je me noie pas, puis j'ai pas besoin de nager. Fait que là, Bouddha, ben, il veut voir, hein? Bouddha Thomas. Alors, notre bonhomme traverse la rivière et revient. Et là, Bouddha, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Mais pourquoi perdre tant d'années de notre vie quand c'est si simple de prendre une chaloupe? Vois-tu? Alors, le bonhomme voulait se libérer d'une chose. Le fait de ne pas pouvoir marcher sur l'eau. Il voulait s'en libérer. Il s'en est libéré. Mais il a été esclave de cette libération-là toute sa vie. Alors, était où la liberté? Le bonhomme était esclave de la liberté. Puis on peut être esclave de bien des choses, mais de la liberté avec. Parce qu'on voit pas ce qu'on fait. Parce qu'on s'en rend pas compte de ce qu'on fait. Puis vu qu'on s'en rend pas compte, ben on travaille, on met des énergies, puis on en met des énergies, puis l'homme, il en a de l'énergie. Mais vu qu'il la dilapide, qu'elle dépense sans voir ce qu'il fait, ben il n'a plus d'énergie. Ou il a toujours l'impression qu'il n'a pas, parce qu'à l'instant où ça rentre, il y a la place. Ça rentre là, il y a la place là. Ça rentre là, il y a la place là. Il n'a jamais assez nulle part. Puis il y en a tout partout. Alors, vois-tu, être esclave de la liberté, c'est pas être libre. Mais le fait de vouloir être libre sans savoir comment on peut être libre, c'est d'être esclave de la liberté. Puis, pour pouvoir réussir à comprendre le schéma de ton tronc d'arbre, pour pouvoir le fusionner en un morceau pour pouvoir avancer assez rapidement, ben, faut que tu sois libre. Mais pour être libre, faut se libérer de la liberté. Puis la liberté qu'il faut se libérer, c'est le concept qu'on en a. On a une idée de la liberté, mais on n'en a pas une idée complète. On étudie, comme notre tronc d'arbre, une parcelle de la liberté, on essaye de l'appliquer, puis là, ben, tout d'un coup, on se repose. Là, on étudie une autre parcelle de la liberté, on essaye de l'appliquer, puis d'un coup, on se repose. Mais on se rend pas compte que ces deux morceaux-là sont antagonistes et nous limitent dans l'expression de notre liberté. Alors, vois-tu? Toi, tu veux arriver à comprendre, mais il faut que tu sois libre de pouvoir t'exprimer. Alors, tu t'en vas sur la rue Sainte-Catherine au coin de Saint-Laurent, et puis, tu t'exprimes comme ça te tente. Là, tu vas finir peut-être ton expression de ta liberté en prison. Ou encore étendu sur le trottoir, hein, si quelqu'un t'assomme. Vois-tu, l'expression, mais toi, si tu décides, on a le droit de s'exprimer. Puis c'est un pays libre ici. C'est un concept que tu émets en disant que c'est un pays libre. Ici, c'est libre tant que ça va avec la liberté des autres, hein, parce que, tu sais, c'est normal. Mais toi, tu décides que tu parles. Mais tant que tu vas vouloir être libre de t'exprimer puis que le contexte ne s'y prêtera pas, ben tu seras jamais libre. Non seulement tu seras pas libre de t'exprimer, mais en plus, ton évolution s'arrête là. Tu es esclave de cette liberté-là. Quand la femme a voulu se libérer, ben la femme a voulu devenir l'égale de l'homme. La femme, c'est une femme. Elle doit devenir l'égale de la femme, l'égale à elle-même, comme chaque individu doit être lui-même, pas être l'égale de qui que ce soit, l'égale d'un ordinateur, d'un poteau, d'une femme ou d'un homme. C'est pas ça que ça, c'est une démarche ridicule. Mais les femmes veulent être libres. Bientôt, les enfants vont vouloir être libres. La démarche était peut-être ridicule, mais par contre, elle avait sa raison d'être. Non, la démarche de masse était ridicule. Qui a parti l'idée de la libération de la femme? C'est des hommes. C'est des gars qui ont fait de l'argent en vendant des chandails, en vendant un paquet d'affaires. C'est des hommes qui ont parti ça. Mais c'est du monde, justement, qui... C'est des hommes d'affaires. Hein? Ils ont aidé énormément, par hasard, le fait, justement, au niveau de la femme. La femme a pris conscience, à un moment donné, que c'était pas juste une servante de l'homme. Mais le travail de se libérer, c'était quoi, ce travail-là? C'était quoi, cette affaire-là? Tu sais, qui c'est qui a parti pendant la libération de la femme? La femme, l'homme, puis les enfants. Pourquoi certaines femmes se sont libérées, c'est-à-dire que certaines femmes se sont épanouies. Donc, elles étaient libres. Mais ceux qui ne sont pas épanouis, il y a encore du monde qui milite pour la libération de la femme. Il faudrait leur dire que la femme est libérée depuis 10 ans. Là. Ils militent encore pour qu'elle se libère. Ils ne savent pas qu'elle est libérée. D'ailleurs, je pense que ceux qui en ont bénéficié le plus des mouvements de libération, ce sont ceux qui n'ont rien fait. Ben oui. Parce que ceux-là, ceux qui ont travaillé pour, étaient occupés à travailler pour. C'était un leitmotiv dans leur but. C'était un but, justement, dans le but qu'ils avaient dans la vie. C'était un but, enfin, il y avait une raison de vivre. Mais ils n'étaient pas libres. Tu veux libérer ton pays. Tu passes 15 ans de ta vie à travailler à libérer ton pays. Tu fais de la guerre, tu fais de la guérilla, tu fais des révolutions, tu rates ton coup. Tu recommences, tu veux libérer ton pays. Après 15 ans, quand le pays se libère, qu'est-ce que tu fais, toi? T'as plus de raison de vivre. Tu vas en libérer un autre. Ben non, tu t'en vas dans l'autre clan que t'as mis à la porte, puis là, tu t'organises pour libérer ton pays. Pourquoi? Parce que justement, tu cherches quelque chose sans savoir ce qui est dangereux. Sans savoir ce que tu cherches. C'est dangereux en maudit de chercher de quoi quand on sait pas ce qu'on cherche. Parce que quand on le trouve, on se rend compte qu'il n'y a plus rien. Parce que si la recherche de la liberté devient un but à ta vie, une raison d'être, quand tu la trouves, tu n'en veux plus. Parce que tu n'as plus de raison d'être, tu n'as plus de raison de vivre, tu ne peux plus continuer. Puis vu que la majorité des individus qui recherchent ont comme but la recherche, puis ont comme but surtout ce qu'ils vont trouver, ben, c'est-à-dire que c'est ça qui dirige leur recherche, ben, quand ils trouvent, ils ont l'impression qu'ils trouvent rien, ils ont l'impression qu'ils trouvent de l'air, puis ils ont l'impression qu'ils n'en savent pas plus. Oui, mais est-ce qu'ils ont le choix d'aller vers ce but-là? Ils n'ont pas le choix d'y aller, mais ils ont le choix de comprendre ce qu'ils font. Puis en comprenant ce qu'ils font, ils sont libres, puis en comprenant pas, ils sont pas libres. Mais ils n'ont pas le choix d'y aller, mais ils ont le choix d'y aller, de décider de comment ils vont, par exemple. Alors, explique-nous comment on arrive à la compréhension ou comment on peut comprendre la démarche qu'on fait. Comment on peut comprendre? Parler de liberté à la place. Comprendre le cheminement qui t'amène au but qui est la liberté dont tu viens de mentionner. Bon, je vais finaliser avant l'explication de la liberté pour qu'on parle de la même liberté. Il y a plusieurs sortes de liberté. Alors, si toi, comme tout à l'heure, je vais revenir encore sur l'idée qu'on a de la liberté. Si toi, tu as une idée de ce qu'est la liberté, pardon, et que cette idée-là, ce concept-là, tu ne peux pas l'exprimer. Ou si tu l'exprimes, il te revient dans le visage. Alors, tu n'es pas libre. Mais tant que toi, tu t'attaches à vouloir à ce que ce soit ça, la liberté, t'es pas libre. Puis tu seras jamais libre parce que t'es pris par la liberté. Tu veux faire quelque chose, si tu es libre, tu peux le faire. Certains vont dans des camps de naturalistes, en tout cas, dans des camps de nudistes, l'été. Et puis là, ils expriment une forme de liberté. Mais si tu exprimes cette même forme-là ailleurs, t'es pas libre. Mais tous ceux qui ont, par exemple, travaillé pour pouvoir instaurer un camp de nudistes, ben ceux-là, si ils étaient conscients de leur démarche, c'est-à-dire qu'ils voulaient être bien avec eux-mêmes, ben quand ils ont réussi à avoir un camp de nudistes puis avoir une loi qui leur permettait puis avoir ce qu'il fallait, ben ça s'est arrêté là. Maintenant, ils ont vécu leur liberté. Ils sont plus en recherche, ils la vivent. La personne qui, après avoir ouvert un camp de nudistes, va en ouvrir un autre, elle sera jamais libre. Elle se donne comme raison, ben faut être libre puis faut ça. Mais elle, son travail, c'est de faire ça. Elle peut pas être libre. Pourquoi? Parce que quand tu découvres la liberté, il reste un maudit travail à faire, la vivre. Tu découvres la liberté, il faut maintenant que tu la laisses apparaître, il faut que tu la laisses s'écouler en toi. Puis ça, c'est bien plus compliqué de laisser s'écouler la liberté en soi que de travailler pour la trouver. C'est pour ça que l'homme travaille, l'homme cherche à la trouver au lieu de la laisser vivre. Vois-tu? Quand tu arrives à la liberté, c'est ce que je te disais tout à l'heure, moi, à un moment donné, j'ai construit un gros bateau. Et puis, on s'en allait sur une île pour vivre, bon. Et là, il y a beaucoup de personnes qui ont voulu y venir avec nous autres, qui se sont greffées à nous autres. Moi, je leur disais, si c'est le bateau, votre but, quand il va être construit, vous allez avoir le fou. Parce qu'il y en a, c'était la construction du bateau, leur but. Mais le bateau, tu le construis pas 150 ans de temps, hein? On veut s'en aller, nous autres. Puis si c'est le voyage, ton but, quand on va être établi, on voyage plus. Ça va l'air fou. Puis si c'est t'établir, coloniser ton but, mais quand on va être colonisé, qu'est-ce que tu vas faire? Ça va l'air fou. Mais tout le temps, dans la démarche de l'homme, dans toutes les choses qu'on fait, c'est toujours ça, faut faire attention. Si ton but, c'est de vivre une expérience, ben l'expérience va s'échelonner tout au long de ta vie. Jamais tu vas être déçu. Jamais tu vas arriver, à un moment donné, à ramasser de l'air. Pourquoi? Parce que tu vas être libre. Mais si ton but, si la recherche, justement, qui te motive, c'est une chose à travers le déroulement de ta vie, ben quand tu atteins ça, t'es fait. Si ton but, c'est d'avoir 30 ans, quand t'arrives à 30 ans, qu'est-ce que tu fais? Ben tu dis, ben là, faut avoir 40 ans, hein? Sans toi, t'as l'air fou! Quand t'arrives à 40 ans, qu'est-ce que tu fais? C'est ça. Comment veux-tu être libre dans une démarche que tu comprends pas? Tu peux pas arriver à être libre, mais dans n'importe quelle, je te parlais de mon tronc d'arbre tout à l'heure, dans n'importe quelle des phases du déroulement de ta vie, si tu n'arrives pas à voir l'ensemble global de tout ça, à le concentrer et puis à pas mettre tes énergies à ce que ça arrive. Parce que quand ça arrive, c'est comme si tu cours. Tu cours bien vite, d'un coup tu arrives sur le bord du précipice, tu viens d'atteindre le but. Puis là, on dirait qu'il n'y a plus rien avant de toi. Il y a tout en arrière. Puis en arrière, tu peux pas y toucher, sauf en te couchant dans une chaise longue, puis avec la nostalgie, là, en revivant ce que tu as fait. C'était le bon temps, parce que tu avais une démarche, parce que tu avais un but. Maintenant que le but est atteint, c'est plus le bon temps. On va faire une autre évolution. On veut avoir 50 ans. On veut n'importe quoi. T'sais? Alors, ce qui arrive, c'est ça, c'est que l'individu peut pas être libre parce que l'énergie qu'il appelle la liberté Là, ça se rapporte aussi à plusieurs plans de l'évolution psychologique, mais présentement, on parle de la liberté. Toi, tu veux être libre. Quand tu es libre, qu'est-ce que tu fais? T'as peur. C'est vide. Pourquoi? Parce que l'énergie que tu mettais ou le but principal était la démarche et non pas le résultat. Quand tu arrives, enfin, je suis libre. Mais là, oublie. Là, maintenant, c'est le temps de commencer à évoluer ou à cheminer ou à te conscientiser. Parce que maintenant, les entraves sont plus là. Mais la liberté, une fois acquise, n'est pas acquise ad vitam aeternam. Faut que tu la revives seconde après seconde. Sinon, tu te fais encore réembarquer dans le schéma d'évolutionnaire de l'humanité normal, un schéma qui est sinueux, qui est long, qui est lancinant et pénible, puis même si tu prends d'aspirine, ça ne règle rien. Alors, ce qui arrive, c'est ça. C'est que toi, tu pars avec l'idée, la liberté, c'est ça. Faut être libre. C'est vrai qu'il faut être libre. Bon, ma liberté, c'est ça. Maintenant, comment puis-je exprimer ma liberté? Est-ce que je dois être libre par rapport à moi ou par rapport à l'extérieur ou par rapport aux deux? Bien, commençons par soi, parce que si je veux être libre par rapport à l'extérieur, si je réussis à instaurer ma liberté à l'extérieur, là, je m'en viens en dedans de moi. Une fois que j'ai instauré ma liberté en dedans de moi, ça ne collera plus pas en tout avec ce que j'ai instauré dehors. Quand je t'expliquais que toi, tu vas avoir un char bleu, que ça te prend 5 ans avant de l'avoir, quand tu l'as, ton char bleu, t'en veux un vert. Parce que t'as changé. Alors, c'est fou de vouloir commencer à instaurer une liberté à l'extérieur avant de commencer à l'intérieur, parce que le temps que tu vas travailler à l'intérieur, tu vas changer. Si t'as instauré de quoi à l'extérieur, c'est plus bon. T'es plus libre encore. T'es encore une fois faite. Alors, ce qui fait que tu dois commencer à instaurer la liberté en dedans de toi. Mais c'est quoi instaurer la liberté en dedans de toi? On a des idées, on a des concepts, on penche d'un bord, on penche de l'autre. Moi, je veux... Dieu, ça existe un jour, Dieu, ça n'existe pas un autre jour. Dieu, j'y pense plus. Je pense à ma femme, je pense à mon mari, d'autres journées, j'en veux pas, d'autres journées, j'en veux. Je veux plus mes enfants, j'ai mis à la porte. Quand ils sont partis au camp de vacances, je m'ennuie comme un bon. T'sais? Alors, ce qui fait que... Est-ce que tu es libre, toi, à l'intérieur de toi? Il y a des jours que t'as peur, des jours que t'as pas peur, des jours que tu t'ennuies, des jours que tu t'ennuies pas. Il y a un mot du travail à faire en dedans. Parce que, justement, notre cheminement évolutif est continuellement brimé par notre manque de liberté intérieure. Puis c'est quoi la liberté intérieure? On a une phase astrale à l'intérieur de nous autres, une phase émotive qui veut s'exprimer. On a aussi une parcelle intellectuelle, une parcelle mentale qui veut raisonner. On a des besoins physiques, on a des besoins vitaux. Faut qu'on dorme, faut qu'on reprenne de l'énergie. À travers tout ça, qui s'exprime quand? Mais quand on sait qui s'exprime, puis on sait quand, puis que tout est en harmonie, on est libre. C'est un beau travail, hein? Là, plus qu'on en sait, je te le dis, plus qu'on en sait, plus c'est épeurant, puis moins on en sait. Mais n'empêche qu'il vient un moment donné où c'est qu'au lieu de disperser nos énergies dans un paquet de connaissances, on essaie de prendre une chose, puis de la travailler, puis de l'aboutir. Quand elle s'est faite, ben là, on passe à une autre chose. Là, on ne gaspille pas nos énergies. Ça peut prendre du temps avant qu'une personne se libère. Une personne qui met toutes ses énergies, pas à vouloir se libérer, mais à se libérer. À comprendre ce que c'est. Parce que si elle veut se libérer, quand elle est libérée, ben là, elle veut encore, mais elle est libérée. Hein? Elle ne peut plus se libérer, elle est libérée, mais elle veut se libérer. Elle ne voit pas qu'elle est libre, puis elle continue. Alors, ce qui fait que si tu mets toutes tes énergies, ça peut prendre du temps. Mais quand tu es réellement libre, tu dois le savoir. Ben oui. C'est-à-dire que tu dois savoir, tu le vis. Tu peux penser que tu es libre, puis tu ne l'es pas. Non, si tu penses que tu es libre, tu ne l'es pas libre. Pis c'est ça qui est important. C'est pour ça que, avant, moi, je te dis simplement que si tu mets toutes tes énergies sur quelque chose, puis que tu travailles là-dessus, tu vas aboutir dans un laps de temps. Mais, par quoi tu commences? Par marcher sur l'eau, par faire de l'argent, par comprendre les mécanismes qui régissent la mort, par parler avec des esprits, par connaître Dieu, par te connaître. Par quoi tu commences? Il y a une démarche là-dedans qu'il faut que tu fasses. Nous autres, on est insécures, on manque de connaissances, puis on voit que toutes ces choses-là devraient aboutir. Puis on essaie de faire en sorte que toutes ces choses-là avancent en même temps. Puis ça, c'est notre tronc d'arbre. Puis toutes les fois qu'il y a une roche qui arrive quelque part, ben le tronc d'arbre, il est bloqué au complet. Faut qu'on détermine à un moment donné un chemin. Mais ce chemin-là, il se détermine comment? Il se détermine tout seul, par la vie. Puis par la logique, on a un corps mental maintenant qui nous permet d'être logique. Si toi, tu dois te rendre à Rome, tu vas vendre des sous-vêtements. Faut que tu te rendes aussi en Égypte pour vendre des tables. Faut aussi que tu te rendes en Italie, mais disons, à une autre ville que Rome, pour pouvoir vendre des mouchoirs. T'as une semaine pour faire tout ça. Puis là, tu fais quoi là-dedans? Hein? Toi, t'essayes d'aller un petit peu là, tu t'en vas tout de suite là, tu reviens un peu là, Bon, en une semaine, tu fais quoi comme travail? Tu fais pas grand-chose. Mais lequel qui est le plus important? Si toi, t'es pas clair en toi, si t'es pas libre en toi, tu peux pas savoir. Et puis, on n'arrive pas à se brancher sur laquelle des villes visitées ou sur laquelle des phénomènes psychologiques qu'on a travaillé. La liberté, c'est la base. Pourquoi? Parce que si je suis libre, je suis pas attaché. Toi, faut que tu ailles voir l'Italie, hein, Rome, une autre ville de l'Italie, l'Égypte, mais tu es attaché après un mur au Canada. Fait que là, tu prends ton téléphone, là, puis t'essayes de signaler pour avertir à Rome, là, pour essayer de régler tes affaires par téléphone, là. Puis là, tu raccroches tout de suite, c'est engagé là, t'appelles au Caire en Égypte. Ben, il faut que tu te libères. Puis quand t'es libéré, ben là, tu peux décider si tu y vas à ces villes-là ou si tu y vas pas à ces villes-là ou si tu vas ailleurs ou n'importe quoi. Mais si t'es pas libre, essaye pas de vouloir cheminer. Tu peux pas cheminer. Tu peux juste avoir l'illusion de cheminer. Puis de temps en temps, ben, à force de donner des coups à la chaîne, ben le piton qui retient la chaîne dans le mur, il bouge. Tu penses que t'évolues, tu penses que t'avances. Tu vas avancer, mon nez va arracher. Mais là, t'as ramassé assez loin dans la conscientisation que tu vas paniquer au coton, tu vas, hein, bon. Tu vas te passer proche du suicide, tu vas faire des dépressions du tonnerre, tu comprendras plus rien, puis là, tu vas revenir avec du ciment pour remettre ton piton dans le mur, puis te réenchaîner. Là, t'étais bien. Tu comprenais pas, mais t'étais bien. T'avais peur, mais tu connaissais ta peur, t'étais bien. C'est ça qui se passe. Alors, vois-tu, la liberté, ben c'est le premier chaînon, disons, c'est le premier pas que l'homme doit faire. La liberté face à lui, pas à l'extérieur. C'est plus facile de découvrir notre liberté avec un extérieur consentant, ça va de soi. Mais de là à vouloir faire consentir un extérieur pour après ça se mettre en démarche. Quand vous allez être évolué, moi commencez à évoluer. Si j'évolue dessus, vous allez me faire fourrer par vous autres. Vous allez en profiter. Fait que quand vous serez évolué, j'évoluerai. Ben, c'est ça. Ben, attends. Puis comme tu réussis à convaincre pas mal de monde, ben, on attend tout. On attend tout que tout le monde évolue, puis là, on évoluera. Tu vois? Dans nos cheminements, c'est la même chose. Moi, je vais évoluer d'un côté, vers la paix, vers le bonheur, vers la pureté, vers Dieu, vers la compréhension, vers le supramental, vers n'importe quoi. Mais j'avance là, puis pas trop, parce que là, en même temps, faut que j'avance là, puis c'est ça. Quand lui, il dit, quand vous serez tout parfait, ben moi, je serai parfait, puis tout le monde se dit ça. C'est notre cheminement. Faut être libre de cette entrave-là. Faut être libre de l'orgueil de vouloir apprendre. Faut être libre... Ben, de l'orgueil tout court, mais ça, on va revenir, c'est un des magistrales freins de l'évolution de l'homme, l'orgueil. Celui qui pense pouvoir regarder le soleil, s'aveugle lui-même. Hein? L'orgueil, ça tue comme la mort, puis c'est même pire que la mort, parce que ça élimine complètement l'utilité de la vie. Vu que t'apprends pas quand t'es orgueilleux. C'est bien pire que la mort. Quand tu meurs, tu reviens. Mais quand tu reviens, t'as un cheminement à faire, puis que par l'orgueil, t'élimines complètement l'utilité du chemin à faire. C'est terrible, l'orgueil. C'est un frein à la liberté, mais la liberté est un frein à la libération de l'orgueil. C'est compliqué l'évolution, mais à un moment donné, on finit par arriver dessus, tu sais. Alors, ce qui arrive, vois-tu, c'est que ta liberté par rapport à toi-même, tu dois la trouver, tu dois la vivre. Elle se trouve comment? La personne qui veut être libre peut pas être libre parce qu'elle veut être libre. Bon. J'explique souvent, puis c'est presque une technique. Le fait de t'observer, c'est une technique qui nécessite pas le fait de mettre ton pied en arrière de ta tête, là, ou de respirer d'un bord ou de l'autre, puis non de prendre de la drogue ou n'importe quoi. C'est, ça a l'air tellement quétaine comme technique, maudit, observe-toi, que la majorité du monde le feront pas. Sauf ceux qui commencent à le faire, puis qui, d'un coup, ben, ils se mettent à jouir de faire ça. Ils comprennent, ils voient des choses, ils règlent des affaires, puis ils commencent à cheminer. Mais très souvent, Daniel, les gens qui s'observent ou qui connaissent, comme tu as déjà expliqué, là, avec une émotion, c'est à la suite d'avoir fait un tas d'efforts vers la connaissance. Puis tout à coup, ça arrive instantanément, puis ça se fait tout seul. C'est comme quand tu vas aux toilettes, tu fais des efforts, quand t'arrêtes, ça se fait tout seul. Mais non, c'est vrai. Parce que les gens qui essaient de s'observer... Tant qu'on veut, on peut pas. À moins que tu aies une technique spéciale, là, c'est difficile. La personne qui essaie de s'observer, c'est ça qui est le motif du problème, c'est qu'il faut... Dans l'homme, il y a deux choses. Il y a une chose qui désire faire quelque chose, puis il y a aussi la possibilité que ce but-là se fasse. Non, mais arrête de rire de moi. Alors, je répète, c'est important. C'est la seule place que je peux rire de toi. Je répète, c'est important. Dans l'homme, il y a deux phénomènes qui se passent, il y a deux choses. Il y a une partie de lui qui désire atteindre un but, et il y a une partie qui peut être le but. Et tant que la chose qu'il désire, hein, c'est un entonnoir et de la place pour un là-dedans. Tant que c'est la chose qu'il désire, le but, il peut pas y avoir de but. Puis quand la chose s'éclipse, que le but arrive, la chose n'a plus de raison d'être. Elle s'exprime plus. Si elle veut s'exprimer, ben, elle doit tasser le but de là, puis là, elle veut le but. Or, c'est ça qu'il y a. C'est que pour arriver à t'observer, si tu veux t'observer, tu t'observes pas. Tu veux t'observer, mais tu ne t'observes pas. Quand t'es bien chez toi, là, exactement comme la personne qui veut arrêter de penser. Bon, ça y est, je pense plus. Ah oui, mais tu penses. Tu penses que tu penses plus, mais tu penses. Toi, c'est ça qu'il y a. On m'a déjà demandé, par exemple, est-ce que les techniques qui enseignent à l'homme comment faire taire leurs pensées sont bonnes? Mais là, suivez-moi bien. Soyez-vous, là, parce que allez voir, c'est... La pensée, c'est quoi? Est-ce que la pensée peut exister sans le penseur? Bon. Mais la pensée naît du penseur. Si le penseur pense, puis c'est ça la pensée. Quand tu parles du penseur, tu fais allusion à l'être humain. À pas nécessairement, non. Ce serait bon que tu le mentionnes. Alors, je le mentionne, là. Tu as un penseur. Le penseur existe seulement s'il pense, parce qu'un penseur, ben un penseur a pas fonction de penser. Si le penseur ne pense pas, ben c'est pas un penseur. Ça va? Bon. Alors, s'il y a un penseur, le penseur doit penser, parce que s'il pense pas, il est pas un penseur. Je me répète, là, mais c'est important. Si le penseur pense, il y a la pensée. Mais la pensée existe parce qu'il y a un penseur. C'est important de voir. Alors, s'il n'y a pas de penseur, il n'y a pas de pensée. Mais s'il n'y a pas de pensée, ben il n'y a pas de penseur. Parce que lui, pour exister, il faut qu'il pense. Exactement comme la peur. Si tu as peur, il y a de la peur. Mais si tu n'as pas peur, il n'y a pas de peur. Pour qu'il y ait de la peur, il faut que la peur existe. Alors, l'individu, la parcelle en toi qui a peur, elle peut avoir peur seulement s'il y a la peur. Mais si ça n'existe pas, il n'y a pas de peur. Si je te prends un char et une épée, disons, je te la pointe sur le bout du nez, et puis tu as peur. Mais si tout d'un coup, tu n'as pas peur, l'épée, tu connais pas ça, puis c'est l'intellect qui embarque dessus, regarde, tiens, c'est une lame Tolette, c'est les meilleures lames qui ont, vraiment extraordinaire. Il n'y a pas de peur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien pour avoir peur en toi. Donc, il n'y a pas de peur. La pensée, c'est la même chose. La pensée, elle existe s'il y a un penseur. Le penseur pense, il y a une pensée. S'il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de penseur qui pense, il n'y a pas de penseur. Alors, ce qui arrive, c'est que tu as en toi le désir de quelque chose. Tu veux ne plus penser. Mais ça, là, c'est une pensée, ça. Donc, c'est le penseur qui désire ne plus penser. La pensée veut ne plus penser. Mais la pensée, elle pense. Le penseur a pour fonction de penser. C'est ça, notre corps est mental. Et l'émotivité... L'astral est aussi une forme de penseur, mais qui est pas logique, qu'on appelle l'imagination. Alors, ce qui arrive, c'est que si tu veux faire silence en toi, ben si tu veux faire silence en toi, il peut pas y avoir silence en toi, parce que la pensée ne peut pas s'exclure elle-même, de par elle-même. Je veux être en paix. Tu sais, c'est pour que la montagne soit calme, il faut que même les meilleurs oiseaux arrêtent de chanter. Alors, si seuls les plus beaux oiseaux chantent dans la montagne est calme. Mais si rien, la montagne va être encore plus calme. Alors, dans l'homme, il y a celui, il y a une parcelle qui veut quelque chose. Mais cette chose qui veut ne peut pas atteindre le but, elle ne peut que désirer le but. Et tant qu'elle désire le but, c'est comme toi qui crie « Silence! » Ben oui, mais tant que tu cries « Silence », il ne peut pas y avoir de silence. C'est impossible. Mais c'est la même chose dans l'homme. Alors, tu veux être libre. Tu n'es pas libre. Parce que tu veux être libre. Si tu serais libre, tu ne voudrais pas être libre. Oui, d'accord. Mais quand tu cries « Silence », quand tu cries « Silence », il n'y a pas de silence pendant que tu le cries, mais tu as des chances à ce qu'il y ait un silence après que tu as crié. Oui. La même chose pour la liberté. Même chose. Si tu veux la liberté, pendant que tu la veux, tu ne l'as pas. Mais au moment que tu arrêtes de la vouloir, si tu as fait un effort, de la même façon que tu as crié « Silence », la liberté peut venir. Vois-tu, c'est que la liberté qui peut venir dans cet état-là, c'est une liberté qui est sujet aux relations potentielles. J'ai deux bras attachés après un mur, je tire, je suis pas libre. Tout d'un coup, clac. Ah ben là, je suis libre. Tu sais? Puis quand ça fait un acte, t'es libre, tu te rends compte que t'es plus libre. Parce qu'il y a l'autre bras d'attaché. C'est ça qu'il y a. Le potentiel. Toi, tu es en recherche de quelque chose, t'es pris. Puis c'est ça qui est un danger. Quand on dit souvent à ceux qui commencent à comprendre, checkez-vous. Allez vous faire fourrer. Tu commences à comprendre tout d'un coup de quoi, crime, là, ça va bien, là, je suis bien, tabarouette. Maud, ça va bien. Même ceux ça qui va bien. Pas. Ah oui, même ceux-là. Mais là, ça va bien, c'est parfait. Tu t'en vas, mais lentement, là, tu t'habitues à ta maudite liberté. Puis là, tu penses que ça va bien, d'un coup, il arrive un événement, puis il vient tout te zigouiller, ça. C'est ça, le potentiel. Tu veux apprendre. Donnez-moi des expériences, je vais apprendre. La vie t'en donne une, paf! Oh, mais crime, pour ça je voulais avoir, moi là, c'est niaiseux, ça, puis crime, c'est ça, t'es fait. Tu pensais pouvoir apprendre, dis-moi vraiment que t'es une occasion, tu chiales. T'es libre de quoi? T'es manipulé à l'intérieur de toi, par qui? Par toi. Bien plus que par l'extérieur. L'extérieur, la manipulation psychologique planétaire ou astrale de la planète, te manipule, mais elle peut te manipuler seulement si elle a en toi les mécanismes pour te manipuler. Ces mécanismes-là sont ton incompréhension puis ta recherche incoordonnée et inconditionnelle vers n'importe quoi. Et ça, c'est pour ça que tu es manipulable par l'extérieur. Mais si toi, tu arrêtes de vouloir être libre, tu élimines ça. Ben là, si réellement tu le fais pas, si tu te dis, bon, ben je veux être libre, faut que j'arrête ça, fait que j'écrase. Mais non, tu veux être libre encore. Parce que tu veux être libre, tu écrases le vouloir d'être libre, mais tu veux encore être libre. T'as peut-être compris, mais t'agis mal. C'est pas ça qu'il faut faire. Alors, c'est pour ça, tout à l'heure, tu me demandais comment on arrive à la compréhension. Ben, c'est comme une brique qui te tombe sur la tête. C'est comme, tu veux quelque chose ou tu as quelque chose. C'est comme ça que l'homme fonctionne. Observez-vous, vous allez voir. Vous voulez ou vous avez. Ou vous vous en foutez. Mais quand vous vous en foutez, ben, c'est parce qu'il est là ou qu'il est pas là, puis inconsciemment, vous l'avez ou vous le recherchez. Est-ce qu'on peut se libérer de la supposée liberté instantanément? Ben oui, mais la liberté, c'est instantané. Tu peux pas être libre dans un continuum d'espace et de temps. Tu peux pas. T'es libre ou tu ne l'es pas. T'es pas libre un petit peu. T'as l'impression, quand t'arraches une chaîne du mur, t'as l'impression d'être libre. Mais va-t'en voir. Tu vas voir, t'es pas libre. Tant que tu restes là et que tu bouges pas, t'es libre, c'est évident. Tant que t'auras pas le désir de t'en aller, tu vas être libre. Tant que t'es dans ta prison, t'es libre. À l'instant où tu veux sortir, t'es plus libre. C'est là que t'es plus libre. Alors, ce qui fait que la liberté, c'est pas quelque chose qui arrive lentement. La compréhension mal commode de la liberté ou mal faite se fait lentement, tu croches travers, comme notre bio qui essaye d'avancer, puis qui roule, puis qui grimpe sur une roche, puis qui s'enfarge, puis qui continue. Tant qu'il se place pas de travers, puis qu'il attend pas 50 ans qu'un coup de vent la remette pour qu'il continue à débouler. Hein? Alors, ce qui arrive, c'est que ta liberté, elle est ou elle n'est pas. Et puis, la première démarche à faire, c'est pas quoi que ce soit, c'est d'être libre avec nous autres-mêmes. Puis quand on va être libre avec nous autres-mêmes, on n'aura même pas de travail à faire sur l'extérieur, parce qu'on va se rendre compte justement que les manipulations de l'extérieur ne nous touchent plus. Donc, on est automatiquement libre par rapport à l'extérieur. La liberté même va s'exprimer seulement s'il n'y a pas de recherche de la liberté, mais s'il y a eu recherche de la liberté. C'est là le point. La personne qui n'a pas la compréhension de la liberté avec elle-même, la personne qui est sot, qui est idiot. Cette personne-là est pas libre. mais elle ne pourra pas arriver à être libre totalement tout le temps tant qu'elle n'aura pas pris conscience du pourquoi, tant qu'elle ne sera pas posée des questions. Parce que la personne qui est berger dans son champ avec ses moutons, certains la regardent et disent « Ah, maudit, il est bien. Il est bien, hein, mais une pièce 50 $, tu vois qu'il est bien. » Tu sais, on trouve qu'il est bien. Mais il n'est pas libre, ce bonhomme-là. Parce que s'il veut s'en aller, il faut qu'il reste avec son troupeau de moutons. Il est pris par un paquet de schémas qui va avec toute sa profession de berger. Il donne l'impression, il y a des libertés que lui a que tu n'as pas, toi. Et vice-versa. Mais la liberté intérieure, il ne l'a pas plus. Mais la journée qu'il va se poser la question, qu'il va commencer à chercher, qu'il va tomber dans le piège de la conscientisation, hein? C'est un piège, cette affaire-là. Un maudit bon piège, mais quand t'es dedans, t'es cru en mot, t'as dit. T'as de la misère, tu cherches, t'es essoufflé souvent, t'as bout de souffle. La personne qui réussit à arriver au pourquoi, tout d'un coup, elle veut être libre. C'est la démarche de ceux qui veulent justement arriver à comprendre. Ils veulent être libres. C'est la démarche aussi des nations, puis de tout ça, d'être libre. Mais une fois qu'il est arrivé à se poser la question puis à rechercher la cause, maintenant, il est arrivé à un point où ce qu'il peut maintenant laisser s'exprimer, la cause. Mais là, il faut qu'il retire sa demande. Tu sais, c'est quelqu'un qui frappe, on ouvre. Quand tu demandes, on te donne. Oui. Pourquoi qu'il pleut? Tu viens pour expliquer ça à ton enfant, puis lui, il continue. Pourquoi qu'il pleut? J'aimerais bien savoir pourquoi qu'il pleut, parce que quand il pleut, ça mouille tout. À ça, il dit expliquer pourquoi il pleut. Faut que tu maudis une bonne taloche sur le visage, hein, si tu veux lui expliquer pourquoi il pleut. Ou bien non, tu vas attendre qu'à un moment donné, il se taise. Tu arrives à te poser la question, tu poses la question, tu vis avec ta question à un moment donné, un certain laps de temps, mais tu n'auras jamais, tu ne pourras pas vivre la réponse tant que tu vas vivre la question. Faut que tu en arrives à vivre la question, mais après ça, faut que tu te libères de ce foutu liberté-là. Puis la liberté qu'on a, nous autres, c'est de pouvoir exprimer notre idée de la liberté. C'est ça la liberté qu'on cherche. On veut pouvoir exprimer notre idée de liberté. Mais de cette liberté-là, faut se libérer. C'est ça, c'est là la libération de la liberté. Puis quand tu te libères de ça, puis que tu te libères de la recherche de la liberté une fois que tu l'as instaurée, tu es libre. Puis tu es complètement libre. Puis pour en arriver là, toutes les fois que tu veux quelque chose, observe ce vouloir-là. Puis tu vas voir que tant qu'il y a le vouloir, il ne peut pas y avoir la chose voulue. C'est impossible. Alors, la liberté, ben, c'est une base, c'est un fondement de la recherche, mais c'est un fondement surtout que ton tronc d'arbre, il va le réduire en un morceau pour savoir qu'il va pouvoir rouler. Si t'es libre. Libre, pas d'exprimer ce que tu veux dire n'importe où, n'importe quand. Libre que ça te dérange pas, toi, de pouvoir l'exprimer ou non. Il y a une bonne différence entre l'un et l'autre. Tu es libre. Libre de tes concepts, libre de la culpabilité, mais libre de tout ça en toi. Faut pas que j'aie peur. T'es pas libre. Puis si t'as peur, t'es pas plus libre. Alors, s'il y a... Tu peux pas avoir l'expression de 50 affaires. Il y a la peur, il y a le désir de pas vouloir avoir peur, qui est une forme de peur. Alors, il y a la peur ou il y a pas de peur. Le courage, c'est de la peur. C'est de la peur que le mental étouffe, mais qui zigouille ton corps pendant ce temps-là, qui t'amène à un paquet de maladies psychosomatiques. Alors, ce qui fait que tu peux pas contrôler l'idée de liberté, tu peux pas rien contrôler. Tu fais une démarche, tu arrives à vouloir être libre, quand tu veux être libre, c'est le temps. Maintenant, tu as le droit d'être libre. Mais accepte-le. Continue pas à rechercher la liberté. Je le dis souvent, tout ce qu'on cherche, c'est une petite flamme qui est sur une chandelle, puis on se promène, puis on cherche dans la maison pendant la nuit du feu, pour pouvoir allumer notre poêle. Puis on cherche avec notre chandelle, puis on s'en va. Puis on cherche du feu pour allumer le poêle. Bon, mais quand on sait c'est quoi le feu, mais on cherche plus, on l'allume. C'est ça. Bien, c'est ça qui est notre démarche. Jésus disait, le royaume des cieux est plus proche que vous pensez. Ah, il est bien plus proche que ça. Sérieux, il est plus proche qu'on pense. Ah, il est sur la terre. Il est plus proche que ça. Ah, il est en moi. Ah, il est bien plus proche que ça. Mais tant que tu vas le chercher, petite chandelle, puis tu cherches du feu, ben, ça va, il est proche, le feu, tu peux te brûler avec, tu sais. Tu peux te donner dans un incendie, ta maison brûle au complet, mais si tu sais pas c'est quoi du feu, tu vas chercher du feu. Alors, le royaume des cieux, ou le royaume, cet état-là, c'est un état, c'est pas un endroit, c'est pas un lieu géographique ou géophysique, il est proche, mais il est loin en mots t'as dit. Il est aussi loin que l'homme qu'il recherche. Il est partout, mais tant que tu recherches, tu peux pas voir, puis tant que tu vois pas, ben il est pas là. Et c'est une réalité qui est réelle. Ce qui est pas là, c'est pas là. Ce qui est là, c'est là. Fait que même si tu vas dire à quelqu'un, oui, mais sois en paix, la paix est là. Non. La paix est pas là. Il saurait si la paix serait là, hein. Il la chercherait pas. Mais lui, il est occupé à chercher la paix. Fait que, laisse-le en paix. Laisse-le chercher la paix. C'est la même chose toujours pour l'intérieur de nous autres. On a une évolution, on a un schéma à suivre. On a établi différents points à partir de ce qu'on a appris, de ce qu'on a conceptualisé. On recherche, là je parle surtout de la liberté, mais tous les schémas de notre cheminement évolutionnaire est identique à la liberté parce que la liberté fait partie de un de ces schémas-là. Mais c'est pas un de ces schémas-là. On l'a placé côte à côte avec d'autres, mais c'est la base. Tu peux pas t'en aller si t'es attaché. Tu peux pas sortir de nulle part si t'es dans une maison en briques pis t'as pas de sortie. L'homme, il est comment? L'homme, il est comme un petit ton, un bourdon, qui se promène ici, mettons, dans le salon, là, puis une porte ouverte. Puis il s'en va, bang, puis il rentre dans les murs. Puis là, il veut sortir. Puis il rentre, bang, il rentre dans les murs, il tombe à terre, puis il reste là un bout de temps. Là, il se relève, là, il brosse les ailes un peu, puis il repart. Tu sais, c'est si simple de sortir par la porte. Mais lui, il veut sortir. Fait qu'il rentre dans les murs, il frappe, il se promène, il tombe, parce qu'il veut sortir. Mais qui arrête à un moment donné de vouloir sortir, là, qui fasse le tour de sa pièce juste pour visiter, puis d'un coup, va être dehors, il y a un courant d'air qui va l'emporter. C'est comme ça qu'on fonctionne. Sauf que tant qu'on veut sortir, ben on s'abîme le portrait. Tant qu'on veut être libre, ben on est pris, on est attaché, on est enchaîné. Pourquoi? Parce qu'on veut être libre. Il n'y a pas plus esclave de la liberté que la personne qui milite pour la liberté. Il n'y a rien à faire. C'est clair, c'est évident, mais maintenant, il faut qu'on travaille avec ça. Il faut qu'on le mette en pratique, sans ça, ça fout rien. Quelqu'un qui vient pour apprendre des choses, quelqu'un qui fait une démarche pour pouvoir comprendre, c'est dangereux, parce qu'un jour, il va comprendre. Puis là, il est foutu, pourquoi? Parce qu'il va être obligé de changer sa manière de vivre, de changer ses conceptions, de tout changer, parce qu'il vient de comprendre de quoi. Puis si le gars change pas, ben il est sans dessein. Très souvent, l'orgueil va l'empêcher de vouloir changer. L'orgueil, normalement, elle te fait virer le dos juste avant que tu comprennes. Tu commences à goûter à la compréhension, puis là, tu changes, t'as tout compris, là. Puis là, tu t'en vas donner ça aux autres, là. Tu t'en vas te montrer aux autres. Mais quand le soleil se lève, on n'a pas besoin de l'annoncer. T'as pas besoin de commencer à t'en aller te promener, tu sais. L'orgueil fait ça, lui. Mais non, tu laisses aller. T'es libre ou tu l'es pas. Puis si t'es en recherche, t'es en démarche, t'es pas libre, t'es foutu, t'es fait. Puis la base, c'est la liberté. Pas la recherche, la compréhension de ce que je viens de dire. Quand on voit ça, puis quand on le vit, ben on est libre. Si un policier arrive qui te met deux menottes, t'es toujours aussi libre, bien plus que lui. Comme tu disais hier, il y a beaucoup plus de prisons dans l'homme que d'hommes dans des prisons. Mais c'est vrai. Alors, tu te fais mettre deux menottes, qu'il se passe n'importe quoi, qu'il y a 150 apocalypses de films, là, juste pour toi. Tu sais, parce que tu y tiens. Juste pour toi. Mais si t'es libre, tout ça laisse pas de trace en toi. Ça n'a rien à faire avec toi. La liberté se fait pas au niveau du corps. C'est stupide de vouloir libérer notre corps parce que notre corps, on n'est pas nié avec. C'est stupide de vouloir être, par exemple, au Québec puis de dire, moi, je suis libre, je fais ce que ça me tente. Parce que tu vas voir qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont libres puis vont faire aussi ce que ça leur tente. Alors ça, c'est une recherche de liberté absolument stupide, absolument inintelligente, parce qu'elle est impossible. Alors, rechercher de quoi d'impossible? Dans le contexte humain présent, tout est possible, mais tout est possible. Mais tout peut, tu sais. Alors, présentement, t'es là. Si tu veux avoir des souliers bleus, tu n'as juste des bruns, faut peut-être en acheter. Si t'es dimanche, les magasins sont fermés, ben, il faut que tu casses des vitrines pour aller t'en chercher, si tu veux être libre. Mais là, il y en a un autre qui veut être libre, lui aussi, qui va venir te chercher. Alors, vouloir exprimer une liberté comme ça, c'est non seulement inintelligent, mais impossible. C'est pas ça, la liberté. La liberté, c'est en dedans. Puis en dedans, on trouve pas rien que la liberté, mais quand on a la liberté, on peut voir d'autres choses. La liberté, là, c'est la petite clôture qui t'empêche de monter l'escalier. Quand tu réussis à posséder la clé de la clôture, à être libre, ben, tu peux monter l'escalier. Puis là, évidemment, si toutes les fois que tu montes ta clôture avec toi, puis tu la remets à chaque marche, ben, la liberté, tu vas la chercher longtemps. C'est mieux que rester en bas. Mais, c'est plus long. Mais n'oublie pas que si la clôture est en avant, tu pars en courant, tu te ramasses en bas vite, hein. Ça sert à ça d'un escalier, ça va. C'est juste ça qu'il y a. La liberté, c'est une chose inconditionnelle qui doit nous libérer de la chose même qui nous libère. Et ça, la liberté. Alors, la liberté doit te libérer de ce qui va t'amener à la liberté. Si tu recherches la liberté, la réelle liberté va te libérer de la recherche de la liberté. Tu rencontres un maître qui t'amène la liberté, il va te libérer de tout et de lui. C'est ça, la liberté. La liberté, elle va nous libérer de tout et de nous autres. Parce que c'est nous autres le maître qui va nous amener à découvrir la liberté. C'est important. Alors, Daniel, c'était en effet moins contradictoire que ça semblait en apparence dès le début. Je te remercie beaucoup. Pour la deuxième partie de cette conférence, vous pouvez poser des questions par écrit. Je pense qu'il n'y a pas eu de petits papiers qui ont été mis sur les chaises, mais vous pouvez vous en procurer au comptoir à l'avant. Et puis, on prend une pause de 15-20 minutes, puis on va revenir dans